They are school! Boy, I can even breathe! Aren't you excited? My man, don't ask me the rubbish. I'm so excited! Hey. What's your name, baby? Not so Bora, this is me. Yeah. The world is mine, baby. Yo, my dog, I plan to take over, man. My name is Benz, and I'm taking over, baby. Beck is in a few days, we're gonna go mad. The world is mine, baby. The world is ours, dog. There's no time to play around. Nothing. Tristan, please look over. What's the road? Des fois, on se demande si l'apparence est une vérité ou l'intérieur qui en toi-même est un miroir qui reflète la réalité. On s'attend à voir une lumière qui traverse le cœur, mais l'inverse se montre et l'obscurité ne fait plus peur. Voici ce que le Seigneur nous dit. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, au lieu de muscler le cœur, on muscle le corps, un corps qui finit en poussière de toute manière. A-t-on oublié que le corps est fait de terre, mais y vois-tu clair? La beauté prioritaire, parfum Miss Dior, mais où est la crainte? Mini-jupe de la rue, coupe fashion, lunettes de soleil, à qui on doit craindre? Une question que je me pose, regarde-t-on la mort ou on est dans l'oubli? On parle de chicha, soirée danse, un verre de... Je ne dis pas plus pour être poli. Mais dans tout ça, où est la crainte? D'un Seigneur qui est tout puissant, celui qui donne la vie et la mort, qui contrôle toutes les choses en même temps. Ouvre ta poitrine et regarde l'état de ton cœur. Est-il noir ou blanc, ou mauvais ou bon? Qu'est-ce qu'il veut ton Seigneur? Pose-toi la question, peut-être tu sauras à qui t'adresser quand tu pleures. La discrétion est l'art de se faire connaître. On peut paraître judicieux, mais en réalité, on est connu des photos de nous sur le net. Je suis une fille de hijab, je cherche à me faire belle. Je cherche à me marier, donc un peu de rouge dans mes lèvres. Je vois un peu de rêve pour qu'un garçon me trouve moderne. Mais où est la crainte dans tout ça? Mais où est la crainte dans tout ça? Je suis issu de famille modeste, donc je cherche à m'enrichir. J'ai quitté l'école plus tôt. Des problèmes de loyer, mes parents ont des soucis. Je me débrouille avec les moyens de la cité. Je vois un peu de tout ce qui est interdit. J'ai cru à mon Seigneur, mais en vérité, j'ai pas le temps pour ça. L'argent se fait urgent, une famille à nourrir, donc la prière attendra. Mais pourtant, je sais que cette vie n'est pas éternelle. Je continue quand même, je fais l'ignorant, jusqu'à le jour où mon Seigneur m'appelle. On est créé à partir d'une goutte de sperme, puis on est sorti du ventre de nos mères. Allah nous a protégés, nourris, alors qu'on était faibles. Puis on a grandi, on travaille, on se marie, puis on se rebelle. Ce message est un rappel pour une jeunesse insouciante. Reviens vers ton Seigneur, humilié en te prosternant. Crée un Dieu tout-puissant pour un jugement terrifiant. Jeunesse de France, d'Europe, d'Amérique, la vraie vie est dans l'au-delà. Ce bas monde est illusion et trompeur. Donc je te conseille une chose, crains Allah avant que tu meures.